te pa y fortuné tout est soublié qui s'enfuit déjà oublié le temps de mon longtemps d'hier le temps perdu à savoir comment oublier ces airs que tout est pas fort à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Des perles de pluie venues du pays où il ne plaît pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai rendre mes et l'amour sera roi et l'amour sera loi et tout sera règne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne quitte pas. Ne me quitte pas, je te vanterai. Dis-nous en sensé qui te comprendra. Je te parlerai que sans amour loin, qu'en vie de foi, le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire des erreurs, pas de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vide. Il est fait-il de terre brûlée. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cache là à te regarder danser et sourire. Et à t'écouter chanter et puis rire. Gastão Villeroy.